que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans le détail. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Puisqu'il est question dans cette émission non seulement de musique classique mais de son au-delà, histoire de percer les limites des plaisirs pris à l'écoute du répertoire en quête de dépassement, fallait-il un jour évoquer la jouissance ? Pour ce faire, deux invités, la poétesse et la romancière Irène Guéraud, qui vient de publier aux éditions Maurice Nadeau le livre des incompris, à la rencontre de personnages aussi variés qu'un savant des Lumières qui veut faire le livre qui rend la vue aux aveugles, une paysanne qui adresse ses poèmes aux animaux, ou encore une traductrice portugaise qui transcrit ses étreintes en partitions musicales. Et pour compléter le tableau, nous accueillons à la table des réjouissances le pianiste Denis Pascal. Tout d'abord, voici une sorte de partition de réjouissance, la Strypsodie de Berlioz, interprétée par Cathy Berberian. Boing! You stupid kite, get down out of that tree! Kite, kite, kite! Chomp, chomp, chomp! Clam, clam, clack, clack, clack, clack, clack, clack! Chomp, chomp, crunch, crunk, crack, crackle, slurp! Up, barf, gosh! Deling, deling! Tling, tling, tling, tinkle, tling. Phew! First, must work, but go and grunt. Crumb, hiss. Meow. Knock, knock, pop, ouch. Pet, pet, pet. Phew. Meow, meow, meow. Black, black, bling, dip, dip, dip. Good grief! Pum! Pum! Poporoo, poporoo! Pum! Whish! Pum, pum, pum! Bonjour Irène Guéraud. Bonjour. L'idée d'écouter la Strypsodie de Berlioz pour ouvrir cette émission est venue de la consultation des moments de partition qu'on trouve dans le livre des Incompris, où on a des syllabes qui sont étirées avec des polices caractères de plus en plus grandes pour mimer donc la jouissance de cette Zoé. C'est venu d'où l'idée qu'on puisse faire un livre avec ces gémissements, ces jouissances ? C'est venu en fait de la personnalité de ce personnage qui a un rapport finalement assez érotique à la littérature et un rapport également très sensuel aux voix et à l'écoute des voix. Et donc j'ai imaginé un personnage qui, un peu désespérément, essayait de concilier dans un lieu, de fixer dans un lieu son amour conjugué des mots, des voix et évidemment des étreintes physiques amoureuses. C'est parti de là avec l'envie donc de concilier visuellement et sonorement tous ces aspects-là sur le papier et donc de créer une partition à la fois sonore et visuelle de... Donc, en fait, son projet à elle est de faire ce livre qui s'intitulera ou il s'intitulerait Eros sonore, mais vous le racontez à l'intérieur d'un chapitre qui est raconté par l'un de ses amants, qui est oui, le narrateur global du livre des Incompris. Ce qui, d'office, met une sorte de distance, mais qui permet de dire des choses sur Zoé. « De Zoé, je ne sais comment parler, dit le narrateur. Tout ce que j'en dirai sera insipide face à la grande incandescence qu'elle créa en moi. » C'est-à-dire que tous ces cris potentiels qui arrivent quand lui arrive Zoé, c'est d'office une percée hors du langage, alors. C'est une forme de percée du langage. Zoé provoque en lui un rapport à la fois à l'érotisme et à la voix qui était totalement inconnu. C'est une personne qui vit pleinement sa sexualité, qui vit pleinement avec son corps et qui lit et écoute les voix avec son corps. Et en fait, elle va le conduire sur un nouveau mode d'audition du monde et d'audition des sons de la sexualité qui sont effectivement un au-delà du langage. Et c'est ça aussi qui l'intéresse, elle, même si, comme elle est également traductrice, poétesse, elle essaye de relier ça au langage en écrivant des textes qui, dans lesquels, effectivement, le langage est transformé, il est présent, on peut deviner des mots, ça reste d'une certaine manière des poèmes, mais comme vous le disiez, dans lesquels les syllabes sont étirées, sont transformées, les consonnes sont répétées, tout ce type d'effet qui, à la fois, demeure du langage tout en le déconstruisant d'une certaine manière. Au cœur même de l'étreinte, l'écoute centrale. Zoé colle son oreille contre ma bouche, contre mon torse. Enfin, et donc, il y a une évacuation de ce qui peut se dire entre l'amant et Zoé pour intensifier ce qu'ils partagent quand même par la voix. Oui, tout à fait. Et là, c'est à nouveau cette percée hors du langage, en fait. Ça devient uniquement tous les types de sons de l'étreinte amoureuse qui vont d'une certaine manière éveiller la sensorialité du narrateur grâce à Zoé qui a cette attention portée aux gémissements, aux râles, aux soupirs, aux sons, à tous les sons corporels qui peuvent advenir dans une étreinte. Denis Pascal, bonjour. Bonjour. C'est absurde de faire des partitions de ces gémissements ? Non, enfin moi ça me concerne pas beaucoup hein, parce que la musique écrite c'est encore autre chose. Après, de faire en sorte que les paroles, que les mots, que les bruits deviennent un objet détaché de leur origine, je dirais que c'est pas nouveau. On peut écouter une voix, et en saisir, les fréquences, la couleur. Et puis l'érotiser, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ce n'est pas tellement l'enjeu d'un musicien. En tout cas, un musicien interprète, ce n'est pas possible. Mais en fait, se pose quand même la question de qu'est-ce qu'il adresse. Est-ce qu'il adresse quelque chose de l'ordre d'un contenu symbolique ou est-ce qu'il adresse quelque chose de l'ordre de cette percée hors du langage dont on vient de parler ? Bon, j'en sais rien, moi je n'ai pas lu votre livre, mais moi je serais plutôt enclin à penser que... Il y a une idée de fétichisme dedans, et qu'en fait, une partie de lui devient un objet. Voilà, c'est tout. Pas lui-même, mais en tout cas, une partie de lui-même. Je sais pas, moi, c'est comme apprécier dans un visage de quelqu'un la moitié droite ou sourcil gauche, et être absolument obsédé par les sourcils gauches d'un visage. Moi, je trouve ça pas mal aussi, hein, mais c'est comme une obsession. C'est une obsession où on détache quand même les choses, on les sépare. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très intéressant. Ouais. Alors, il y a quelque chose d'assez vrai, c'est-à-dire que chacun des personnages de ce livre est effectivement, d'une certaine manière, victime d'une forme d'obsession pour, dans ce cas-ci, la voix. Dans d'autres cas, ça peut être encore d'autres choses. Vous parlez du sourcil gauche, il y a un personnage qui est obsédé par la question de la dissymétrie dans les visages. Donc, il y a effectivement vraiment un lien à faire là. Et en même temps, et c'est ça qui m'a intéressée, moi, dans ces personnages quand je les ai créés, c'est que ce sont des personnages qui, d'une certaine manière, tournent autour de cette obsession pour se relier finalement à autrui, pour se relier à la société, pour se relier au monde. Et là, ce qu'elle tente, finalement, c'est pas seulement une exploration de la voix, c'est comment relier entre eux la voix, la jouissance érotique et la parole. Comment faire tenir ces trois éléments ensemble. Ça s'appelle de l'opéra. Alors justement, à l'opéra, quand il y a de la jouissance, ça tremble. Enfin, c'est-à-dire que c'est tout le langage musical qui est modifié, c'est pas juste un petit point. Oui, mais enfin, en même temps, la jouissance, elle n'est pas sur le plateau, elle est dans la salle, ce qui est différent. Parce que dans la salle, le public et l'auditoire a la liberté de pouvoir détacher des choses, et il a la liberté de lire une partition qui n'est pas celle du tout qui est donnée. Qui est sous le nez des musiciens ou des chanteurs. Oui, mais ouais. Ils sont même pas conscients forcément de ce qu'ils vont déclencher. Et c'est vrai que l'opéra, c'est parfaitement... Enfin, une partie du public de l'opéra, c'est quand même une érotisation à 200% d'une partie de la voix d'un chanteur. Même pas de toute la voix, même pas de son physique, mais juste d'un moment de la voix d'un chanteur, d'une inflexion. Et ça se voit dans les théâtres italiens, où effectivement, en plein milieu d'un air d'opéra, il va y avoir des commentaires, il va y avoir des applaudissements parce qu'ils auront reconnu quelque chose qui... Bon, après, c'est de la culture, disons, enfin, pas la culture, mais disons, d'essayer de retrouver quelque chose, une obsession de ce qu'ils attendent. Mais sinon, l'opéra, franchement, c'est Alors évidemment, c'est un peu déplacé, mais pourquoi pas ça de la part du public, en tout cas, enfin d'une partie du public, il y a cette idée-là. Oui. La version de Nathalie Dessay a forcé à lui le premier air de la Traviata de Verdi. Vous l'avez reconnu tout de suite, Denis Pascal. Oui. Oui. Et alors là, la jouissance est dite. Elle est dite. Il y a un mot qui est décliné sur une grande vocalise et sur une des notes les plus aiguës de l'air. trouve ça un ré bémol. Mais voilà, de toute façon, tous les musiciens sont obsessionnels. Donc voilà. Mais bon, ils sont pas forcément... Sur la note la plus aiguë, c'est quand même pas rien, parce qu'on parlait de percer du langage. On pourrait imaginer que vraiment, il y a un enjeu. Il faut dépasser le plafond pour pouvoir figurer la jouissance en musique. C'est pas sûr. Alors, il fut une époque où les voix des femmes étaient interdites à l'église, soit parce qu'elles étaient trop graves, parce qu'elles, disons qu'elles résonnaient... Enfin, le grave, donc le ventre de la femme, c'est une voix vaginale, on ne voulait pas. Et donc, c'était simplement l'homme qui devait chanter avec une voix éthérée. Mais moi, je dirais que... Il y a autant des fois de jouissance à entendre un chanteur qui chante très peu ou qui chante très grave. Et les plus grands succès sont souvent obtenus par un son filé, par exemple, un son pianissimo qui va faire trembler tout le monde. Vous voyez, il y a une espèce de... Voilà. Alors, effectivement, dans Traviata, c'est quelque chose de plus direct. Et le premier air, oui, effectivement, c'est le haut. Mais en général, qu'une soprano va très haut dans un air, c'est qu'elle est complètement folle et qu'elle a perdu... absolument le sens de la réalité, donc c'est les airs de la folie. Et c'est pour ça que ça se passe surtout au 19e siècle. Oui. Irène Guiraud, est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de Héros sonore, le chapitre qui concerne cette traductrice Zoé dans le livre des Incompris? Tout à fait. Alors je vais vous lire le passage qui commence au moment où, après 2 ans d'histoire d'amour entre le narrateur et cette fameuse Zoé qui écrit ce projet d'Héros sonore, Zoé pour la première fois va lui parler de ce livre. Et va lui présenter ce projet, va s'en suivre une scène entre eux, érotico-sonore, disons. Ce n'est que 2 ans après le début de notre amour, un jour que nous étions enlacés sur son canapé, qu'elle me montra son livre en cours d'écriture, « L'Héros sonore » par Zoé Salgado. Si elle ne l'avait pas fait avant, c'était, dit-elle, parce qu'elle redoutait ma réaction. Les rares hommes qui l'avaient lu avant moi s'en étaient gentiment moqués, s'était montré jaloux de la partie qu'elle avait écrite avant eux, ou encore n'avait rien dit, mais l'avait quitté peu de temps après, déconcerté. L'Héros sonore, je dois l'admettre, était surprenant. Il contenait des sortes de textes partitions destinés à être dits et variés pendant l'amour. Zoé les avait écrits à partir de ses expériences érotiques, ou inventées dans l'espoir de pouvoir les vivre un jour. Le livre d'apparence inattendue n'était pourtant pas bien difficile à déchiffrer. Sa notation permettait de comprendre intuitivement quel mot ou quel son il fallait prononcer, près de quelle partie du corps et avec quel type de voix. Certaines pages comportaient de longs textes poétiques, d'autres seulement des sons, sans mots. Zoé me montra la première page du livre, qu'elle avait écrite depuis des années, sans en avoir jamais tenté l'expérience. Avec moi, elle en avait envie, très envie même. Je regardais la page. Le texte se résumait au son « A », étiré sur toute la ligne, avec des pauses, des respirations, des variations d'intensité. Zoé m'expliqua un peu. Le dessin juste au-dessus du texte correspondait à la partie de son corps où je devais poser ma bouche pour dire le texte. Je mis alors ma main sur son sexe. Elle rit et dit que oui, c'était ça. À travers le tissu de sa culotte, je sentais la chaleur, l'humidité monter d'entre ses jambes. Elle expliquait encore, d'une voix de plus en plus entrecoupée, de plus en plus haletante. Bien sûr, tout restait libre, on pouvait improviser tant qu'on voulait, ajouter d'autres sons. Par exemple, avec la langue, les sons doux et mouillés, ou des claques sonores sur les fesses, ou encore les sons faits avec la pulpe des lèvres. Fébrile, elle me lança un coup d'œil, murmura tandis que je pressais un peu plus ma main sur son sexe. « Tu as envie d'essayer ?» J'avais envie. J'aimais l'idée d'ajouter pour la première fois à mes caresses un son, un « A » en crescendo, bouche plaquée, parlant au sexe de Zoé et ne s'arrêtant que pour reprendre souffle. Alors, j'enlève sa culotte. Elle me regarde dans les yeux, me sourit comme à un complice tout en s'allongeant sur le canapé. Je pars lentement des chevilles, puis remonte à l'intérieur des cuisses, jusqu'au delta noir qui est gorgé déjà. Un moment, je reste dans mon répertoire classique. Je bois le goût de tanin, je laisse venir jusqu'à sentir que sous ma langue je la tiens, jusqu'à ce qu'elle tremble, tende son sexe vers mon visage et alors seulement j'y plaque ma bouche et doucement d'abord, puis de plus en plus fort, je laisse monter du fond de moi le son. Et là je ne sais pas sur qui, d'elle ou de moi, l'effet est le plus intense. Sur son corps, à chaque son, c'est comme une décharge électrique très longue qui dure tout le temps de mon expiration. Elle se tend et se tord, gémit plus haut, se cabre presque. Moi, soudain, je comprends que je n'avais rien compris. Faire monter ce son de mon ventre pour le verser directement de ma bouche en elle, ce n'était pas parler à son sexe, c'était chanter. C'était un baiser chant. Ma voix fusant au centre d'elle, s'y logeant, à chaque son se propageant dans tout son ventre en milliers de vibrations. Quand ma tête reposa sur son ventre immobile, apaisée, j'eus l'impression d'avoir respiré en elle, d'avoir fait vibrer quelque chose comme un chant grégorien dans une nef, dont son sexe était l'entrée lumineuse. Pourquoi elle s'appelle Zoé ? Pourquoi elle s'appelle Zoé ? Ça commence par un Z, c'est vraiment l'autre bout de l'alphabet par rapport au A dont il nous... C'est une des raisons, et il y a aussi dans Zoé la dimension animale en fait qui m'intéressait, l'étymologie. Et puis le Z, effectivement, il y a le même, cette même distance qui est reprise dans le dernier des chapitres du livre, puisque celui qui écrit, qui invente le livre en fait, le personnage qui invente le livre en Chine, 300 ans avant Jésus-Christ, à la toute fin du roman, s'appelle Zi, et le personnage qui amène le narrateur à découvrir ce premier livre s'appelle An avec le A, donc il y avait cette même inversion aussi qui est rejouée là, voilà. Denis Pascal, quand je vous ai parlé de jouissance en musique, vous m'avez parlé d'un certain nombre d'œuvres par association d'idées. Parmi elles, il y avait le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Est-ce que c'est pour la connexion à l'animalité ? Ah non, à la sensualité. Oui. À l'érotisme et à la sensualité, oui. Animalité, oui, pourquoi pas. Enfin, non. Non, l'érotisme. Non. C'est une des premières pièces. Lumineuse et clairement érotique dans la, enfin en tout cas au 19e siècle. Donc la sensualité et oui, je pense que la sensualité, le désir existe comme ça dans la musique. Oui, il y a des compositeurs plus ou moins sensuels, plus ou moins, on va dire pas désirables, mais enfin, simplement qui ont quelque chose, une vibration qui fait qu'on va vibrer avec eux. Mais encore une fois, la musique, c'est pas le même domaine que la sexualité. Ça va de soi, mais pourquoi il est important de le dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la musique pour faire l'amour ou l'amour pour faire la musique. C'est compliqué. Dès l'instant où on est du côté de servir cet art, il y a quelque chose qui est un monde à part un petit peu. Donc parler effectivement de désir ou parler de sensualité, ça a parfois très peu de choses à voir avec la vie sans musique. Enfin, je veux dire... C'est un peu, je dirais, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais y a d'autres musiques que je vous ai Oui, bien sûr. Mais alors, ça veut dire que par rapport au personnage créé par Irène Guéraud, vous soupçonnez qu'il y a un peu trop de musique dans sa sensualité? Non, ce non. que j'entends là, c'est plutôt de l'ordre d'une vibration, d'un mantra, une relation avec les vibrations du corps, etc. C'est une musique primitive, donc c'est différent. Oui. C'est pas une organisation des différentes vibrations, c'est juste une vibration... un peu la Gurdjieff, là, les bols tibétains qui vous enveloppent, qui font qu'on a une expérience... voilà. Enfin, mais d'où vient sa nécessité d'en faire partition, alors ? En tout cas, dans ce passage-là, c'est la première expérience en fait, qu'elle montre au narrateur. Et c'est effectivement, là, la vibration n'est pas vraiment organisée. Non. En revanche, plus loin dans les partitions, enfin dans ce que j'appelle partition, ou texte-partition en réalité, là, en revanche, la vibration est organisée. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui est écrit avec des sons qui sont prolongés, d'autres noms qui sont piano, qui sont forte, qui sont organisés aussi en fonction du corps. Donc là, il y a un travail qui serait plus proche de ce qu'on a pu écouter chez Berriot et qui est une forme d'organisation. Alors après, effectivement, dans la vie réelle, fait-on non, ça il n'y a pas de vie réelle, voilà. Dès l'instant où c'est organisé, moi, ça me fait penser un petit peu à l'orgabouche Huisman ou les parfums chez des essaims, des choses comme ça, où il organise des sensations qui sont pas brutes, mais en tout cas physiques, immédiates. Et là, oui, enfin, moi, je sens plus une relation vers là que vers la musique ou la partition elle-même. Oui. Ces partitions sont des archives ou elles sont faites pour être rejouées ? Elles peuvent être rejouées. C'est ce qui se passe d'ailleurs plus loin, parce qu'il raconte que, enfin, il y a une des partitions qu'elle a écrite à Lisbonne lors d'un moment où ils sont tous les deux. Et puis il dit qu'ils l'ont repratiquée des dizaines de fois en la réinventant, parce qu'évidemment, on réimprovise dessus en permanence. C'est-à-dire qu'il y a quand même une très grande liberté, heureusement, dans la pratique de ces partitions. Ça a été un des enjeux, en fait, quand j'ai écrit ce chapitre, parce que je voyais bien que je ne voulais pas que ça soit quelque chose de complètement psychorigide, où ce personnage se mettrait à fixer des choses qui fonctionneraient, alors que précisément l'étreinte amoureuse, c'est la liberté de l'invention permanente dans l'instant. Et donc, elle écrit des choses, mais qui sont infiniment variables et improvisables, heureusement. Denis Pascal, vous m'avez aussi signalé la mort d'Isolde dans Tristan et Isolde de Wagner. C'est la transultime ? Oui, c'est la transultime. C'est la mort et c'est la dissolution dans le son. Donc ça... placer un petit peu, parce qu'il y a quand même une certaine... Alors là, pour le coup, je dirais qu'on peut sentir qu'il y a une jouissance dans l'écoute des œuvres de Wagner, de l'opéra, ou de ces moments ultimes, qui est quand même relativement forte. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est plus animal que chez d'autres compositeurs. Bon, Tristan, moi, c'est une œuvre phare, moi, que j'adore. Et c'est sûr que La mort d'Isolde, c'est une dissolution dans le son. Et dans l'amour et la transfiguration de la mort, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment morte, mais elle est persuadée qu'il est vivant, et elle s'en va avec lui, elle n'est pas vraiment morte, pas vraiment vivante. Bon, c'est pareil dans Traviata, hein. elle est morte, mais elle se relève en disant que tout va bien, et elle disparaît. Là, Isolde, non. Mais ce qui est très très beau, voilà, c'est qu'elle se noie, comme elle dit, dans la fin, elle se noie dans le monde de son... Voilà, peut-être c'est une transe, c'est... Peut-être c'est érotique, j'en sais rien. Thank you. La musique classique et au-delà. C'est Métaclassique avec David Christoffel. Irène Guéraud, vous entendiez Denis Pascal parler de cette mort d'Isolde comme une dissolution. Est-ce que le mot dissolution vous conviendrait vraiment pour désigner la jouissance ? Je trouve que c'est pas faux, parce que dans la jouissance, il y a une forme de perte quand même, ce qui indiquerait précisément que la mort d'Isolde tient d'une certaine manière d'une forme de jouissance, c'est qu'il y a cette perte de soi, qui est aussi d'ailleurs une perte de l'autre, hein, où dans le rapport sexuel, on n'accède jamais pleinement à la jouissance de l'autre, on n'accède non plus jamais pleinement à sa propre jouissance. Et en fait, c'est ça, très profondément, qui motive le projet de mon personnage. C'est finalement comment accéder d'une certaine manière à sa propre jouissance, dont elle ressent que c'est une forme d'accès au monde qui est au-delà du langage, à travers en même temps les outils qu'elle a, qui sont ceux du langage, qui sont ceux d'une fascination pour la voix. Mais effectivement, je crois que cette dissolution de soi, c'est une assez bonne définition de la jouissance. Ça veut dire aussi de retracer ou disperser les frontières de soi, donc de son rapport au monde. Je pense à un autre texte du Livre des Incompris qui n'a pas de rapport direct avec la sensualité, les poèmes pour animaux. C'est l'histoire de cette paysanne de la fin du 19e siècle qui va dire ses poèmes aux animaux et se faisant avoir un rapport au langage qui est... pas tout à fait le même que les autres poètes. Oui, complètement. Elle transforme l'adresse. Hein. Elle n'adresse plus ses poèmes aux autres humains, à des lecteurs potentiels. Elle les adresse à une autre partie du monde, dans une perspective assez transspéciste, peut-on dire. Et elle reconfigure également son propre rapport au langage, puisqu'elle va écrire certains des vers dans un langage qui se rapproche de ce qu'elle peut écouter des animaux qu'elle observe dans sa vie campagnarde, en fait. Quand un comédien s'adresse directement au public, on dit qu'il franchit le quatrième mur, on a l'impression que vous franchissez le cinquième, plutôt le plafond, enfin, c'est-à-dire la convention du langage tremble elle-même. Je crois que chaque chapitre de ce livre réfléchit à dépasser effectivement certaines conventions du langage dans l'adresse. À qui ces textes s'adressent-ils, et dans la manière même d'utiliser les mots, le langage, l'objet livre lui-même. Donc peut-être un cinquième mur, oui, mais à chaque fois dans un désir de la part de ces personnages d'établir un lien, malgré tout, qui est un lien effectivement non conventionnel, qui est un lien surprenant, étonnant, ce qui fait qu'ils sont en général incompris par leur père, par la société, par les gens qui les côtoient, mais ils sont dans un désir très profond de lien. Et ça me tient très à cœur. Et c'était la raison... Enfin, c'était peut-être la condition pour que vous, poétesse, arriviez à écrire un roman ? Peut-être, c'est possible. C'est un roman qui m'a été donné finalement peut-être dans un au-delà là, de la conscience, parce que j'ai rêvé de la forme même de ce roman une nuit avant de commencer à l'écrire. Donc il y avait déjà peut-être un au-delà de mon travail très conscient d'écriture poétique, un dépassement déjà dans la manière même dont le livre est arrivé. Au contraire, parfois, il faut de la contention pour jouir. Vous pensez au château de Barbe Bleue, Denis Pascal. Mais non, la cinquième porte, c'est une progression dramatique. Voilà, la progression dramatique, c'est une stratégie, en fait, bon, comme dans tout ce qui est opéra ou cinéma, une stratégie d'événements qui nous amène à un moment donné, à découvrir quelque chose d'exceptionnel. Alors, chez Bartok, c'est incroyable, comme chez Wagner aussi, hein, mais contention, je dirais pas, non. C'est quand même un lieu fermé, ce château, et puis... Il y a les portes. Mais il y a les portes, oui. Mais leur ouverture est compliquée. C'est compliqué. Mais il y a d'autres moments, moi, je veux dire, dans la musique, qui me font penser soit à la dissolution, soit à l'ouverture, hein, comme ça. C'est toujours lié à l'orchestre. Alors, moi, je suis pianiste, donc l'art du récital de piano, c'est beaucoup plus resserré, c'est pas contenu non plus, hein, mais c'est un espace clos, petit, dans lequel il faut ouvrir. Alors, un compositeur comme ça m'a frappé, Montfort-l'Amaury, si on visite la maison de Maurice Ravel, c'est tout petit comme ça, et il a écrit une musique qui est incroyablement, une spécialité incroyable. Mais c'est vrai que nous, enfin, en particulier les musiciens classiques ou les pianistes, on a un outil très resserré. Comme une petite porcelaine, comme ça, et il peut se passer des choses avec, qui sont incroyables. dans un lieu qui est pas contenu, hein, c'est juste la salle de concert ou une salle de récital, mais où les règles font qu'on peut ouvrir les choses. Violetta Romana dans cet extrait de la cinquième porte du château de Barbe Bleue de Béla Bartok. Denis Pascal, vous rappeliez à l'instant que vous êtes pianiste et que le piano avec ce côté pas si grand mais en fait peut accéder à des ampleurs qui permettent la démesure. Vous avez aussi pensé à Rachmaninov et au final, par exemple, du deuxième concerto. Ah oui. Ouais. Alors, ce que je disais par rapport à ces œuvres-là, qui sont construites justement pour emporter le public, qui sont construites pour être un succès, on va dire. Donc, il y a une stratégie un petit peu, une accumulation de tension qui va être, il va y avoir un point culminant, enfin, en tout cas, un point de rupture qui fait que tout le monde est content parce qu'on l'a compris, on va le saisir. Vous voyez, ça, c'est un peu plus. On va dire que c'est pas que c'est moderne, mais c'est un peu plus brutal, c'est un peu plus facile entre guillemets, mais c'est magnifiquement fait. Voilà. Donc c'est une extase ou une jouissance, ou en tout cas attendue et bien faite. D'ailleurs, c'est toute la musique de cinéma, tout ce qui va se faire, c'est sur ces musiques-là. Hein. C'est musique début 20e, fin 19e, voilà, c'est pas... Vous voulez dire qu'elle regarde leur efficacité émotionnelle absolument, de très près. Absolument, ouais. J'en suis persuadé, ouais. Bien sûr, oui, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, c'est bien fait, donc ça va, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même un devoir de ne pas terminer dans les ombres et dans le brouillard. Parce que sinon, le directeur de la salle ou de la saison ne sera pas content et on ne va pas le réengager. Vous savez, c'est un métier où il faut être coopté. Cette cooptation, elle passe aussi par cette réaction du public qui est jaugée, jugée, quantifiée. Vous savez, on dit ça chez les scientifiques, on doit être bankable, on doit être achetable. Voilà. Alors, ça se fait avec une œuvre pour un compositeur, ça se faisait, on va dire. Et puis, un interprète, il doit servir cette stratégie-là. Notre devoir, c'est aussi de divertir au sens noble et haut du terme le public. Ah, ça suppose d'avoir une grande clarté dans son pacte avec le public. Et oui, et malgré tout, c'est d'avoir une pour faire fondre, enfin entre guillemets, un public, etc. Il faut pas soi-même fondre, hein, parce que sinon c'est foutu. C'est-à-dire qu'on perd la... Alors là, il y a une mauvaise dissolution des énergies. Là, ce qui est amusant, c'est que c'est l'organisation d'une forme de jouissance collective, quand voilà. Même. Et ça, c'est un peu à l'opposé de ce qu'on peut imaginer comme la jouissance, qui est quelque chose de relativement privé ou de partagé en groupe relativement restreint, habituellement. Et là, cet effet musical de jouissance collective, c'est quand même intéressant d'imaginer un compositeur qui prévoit de rendre extatique une salle. Oui, quelque part. Alors, il cherche l'extase, Rachmaninov. Il cherche l'extase, mais d'autres la vivent, comme Scriabine, ne la donne pas forcément, mais la vivent vraiment intensément. Et d'autres saluent un propos subtil et poétique, comme Debussy et Mallarmé, un peu plus ésotérique, un peu plus précieux. La plupart des compositeurs, quand même, essayent de poser des questions. Voilà. à plus ou moins haut niveau, avec plus ou moins de facilité, et avec des résultats plus ou moins bons. Alors ça change avec l'histoire. Voilà. Mais si on parle, on a parlé tout à l'heure du Bolero de Ravel, c'est aussi stratégique. Voilà, Ravel est stratégique. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas sincère, mais il est stratégique. Donc il crée une pièce qui est tellement répétitive qu'on est perdu et on a une, un peu comme Stravinsky, une espèce d'expérience de transe. Voilà. Le premier grand, on va dire, supporter un petit peu de cette manière de faire, c'est Liszt, Franz Liszt. C'est la première pop star du classique. Et il était fasciné Liszt par, comme par les derviches tourneurs, par toutes ces choses-là, où il y a une perte de soi, justement. Soit pour une conscience supérieure, soit simplement pour une perte de soi. Et donc, toutes les danses, les Rhapsody, les Fritz, les Sirtaki, les choses comme ça, c'est quelque chose où on perd la conscience. Et donc, le public est comme ça. Parce que tout le 19e, ça a été quand même, très franchement, il y a une érotisation du musicien énorme. J'aimerais bien qu'on revienne sur le passage de la poésie au roman, parce que vous ouvrez par une fermeture en disant le livre des incompris, on va avoir à des personnages qui se mettent dans des endroits de l'expression qui sont donc inaccessibles et qui vont parler de cette inaccessibilité, mais comme vous la mettez sur le compte des personnages, ça vous permet de vous mettre dans une langue qui est généreuse de détails, de choses très littérales, très, très concrètes. C'est vraiment un rééquilibrage dans le passage de la poésie au roman, de là où ça se passe, là où on met ce pacte dont on vient de parler avec Denis Pascal. Oui, alors, c'est vrai que ma langue maternelle, peut-on dire, ou ma première langue d'écriture, c'est effectivement la poésie, mais c'est intéressant cette question, parce que ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure à propos d'être pianiste et à la différence de l'orchestre ou l'ampleur de l'orchestre. Pour moi, la poésie, c'est quelque chose qui est d'une certaine manière dans la condensation. C'est le sens du mot allemand, la Dichtung, c'est la condensation, la concentration, la densification. Et la poésie, c'est, pour moi, c'est ça. C'est un rapport qui est finalement très densifiant au monde et au langage aussi. Alors que le roman est dans une forme de dilatation qui peut-être permet justement aussi une forme de jouissance dans l'écriture. Après, j'écris clairement, je crois que j'ai écrit ce roman en poétesse, avec un style qui est un style travaillé, des phrases le plus souvent possible assez poétiques. Et puis des astuces pour avoir plusieurs genres dans le même livre. Oui, effectivement. Là, je crois que c'est un livre qui contient quasiment 7 genres différents, presque 7 types de romans différents, oui. Mais c'est dans cette... le roman permet une dilatation de la forme, une dilatation de l'expression, une ampleur des phrases que ne me permet pas, en tout cas personnellement, l'écriture poétique. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup plus jouissif dans l'écriture du roman pour moi. Les écritures musicales qui peuvent faire plaisir au public doivent pas être trop stylisées alors, Denis Pascal ? Eh bien, c'est l'inverse. Il faut qu'elle regorge de conventions de manière à ce qu'il y ait une reconnaissance immédiate. Et donc, le miracle, c'est que ce qui arrive est attendu. Et oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a des musiques qui sont magnifiques d'ailleurs, mais qui sont très populaires, qui passent parce qu'il y a une petite série comme ça de conventions faciles et qui reviennent. Et donc, ça va. Bon, après... vous savez, on perçoit de toute façon que 10% de ce qu'on entend. Et puis, la connaissance, la culture, le travail personnel fait que petit à petit, on pense à 15 et à 20, à 25. C'est pareil. Enfin, je veux dire, on ne peut pas donner un poème à lire, dire oh, c'est extraordinaire, tu vas avoir ta vie là-dedans. Non, il y a des clés, des codes, je ne sais pas comment dire, il y a des déclics aussi. Et la musique, c'est pareil. On ne rentre pas comme dans un moulin dans toutes les musiques, je ne crois pas. Ce n'est pas l'objet d'ailleurs. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est rentré dedans, on est comme enfermé pendant une période. Voilà, on a des expériences avec des œuvres particulières, très poétiques d'ailleurs, comme Pélas et Mélisande. On n'y rentre pas comme ça, mais une fois qu'on y est rentré, c'est... je ne dis pas que c'est l'enfer, mais on y est. Et c'est extraordinaire. Vous avez beaucoup, beaucoup parlé de la jouissance du public. Oui. Et comme si vous ne vouliez pas parler de la jouissance du musicien. Vous, quand vous jouez Ravel... avec Aurélien Pascal et Svetlana Rousset. Mais on a la jouissance d'arriver à faire éclore un projet. Vous savez, il y a plusieurs types de jouissance. Hein. Ça veut dire que... Et on a la jouissance de capter la forme, que notre main réponde, que les partenaires répondent. Enfin, c'est une série de joies qui ne sont pas aussi, entre guillemets, musicales. C'est la joie de l'artisan. Voilà, il a un outil qui répond, c'est jouissif pour lui. Vous voyez, parce qu'il prend possession de quelque chose qui lui obéit, on va dire. On passe notre vie à faire que notre main nous obéisse, ou elle obéisse à une inflexion, ou que... Voilà, on passe notre vie comme l'acteur, je pense, à ce que notre mémoire ne soit pas un frein. Parce que la peur ne soit pas un frein, enfin, des tas de choses comme ça. Et de toute façon, on a la jouissance d'y arriver. Et ça n'a rien à voir avec la jouissance de l'œuvre. Enfin, c'est complexe. Mais je dirais qu'en tout cas, la joie et le désir sont effectivement des éléments importants sur scène. Hélène Guéraud, il n'y a pas que de la joie dans la jouissance. Non, il peut y avoir presque une forme de douleur, effectivement, qui n'est pas une douleur physique, hein, mais qui, je pense, est liée à cette perte, à cette dissolution dont on parlait tout à l'heure. Il y a un passage du roman, de ce chapitre, où Zoé dit que quand elle jouit, elle est dans le grand néant. Et en fait, c'est la jouissance, c'est toucher du doigt, je crois, quelque chose qui a à voir avec le néant, avec le vide, et qui peut être aussi très effrayant. À un moment où on se perçoit, je pense que c'est pas pour rien qu'on appelle ça aussi la petite mort. Hein, on entre en partie dans le néant, le vide de la mort, et pendant quelques instants, il faut y faire face. Donc c'est un instant de plaisir immense, et en même temps, il peut y avoir cette part qui peut être légèrement angoissante de perte de soi. De toucher du doigt l'absurdité de tout. Oui, le néant de tout, l'absence, peut-être l'absence de sens, autre qu'immanent en tout cas. C'est pour ça que il y a des créateurs, des écrivains, ils font des œuvres, il restera ça. Il restera quelque chose. Mais je crois que c'est aussi pour ça qu'elle écrit ses partitions, en fait, parce qu'elle sent que la jouissance est le point dans lequel elle échappe à elle-même, l'autre lui échappe, le monde lui échappe, et que ça pourrait être en même temps un point d'accès au monde. Et donc il y a ce désir de certaine manière, de le fixer, de l'écrire, de le dompter à travers ses textes partitions. Partition, ça c'est un objet incroyable. Partition graphique ou le dessin de la partition, je trouve que c'est un objet. Moi, ça m'a toujours fasciné. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait de la musique. Rien que par attachement à l'objet. Oui, au début, oui. Au début, oui. Au début, c'était le dessin. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui vous fascine que... Le dessin, c'était le dessin. Fascination des signes. Fascination des signes et savoir ce que ça voulait dire. Enfin, moi, j'ai passé comme mon apprentissage musical, ça a été ça. D'avoir des objets, des partitions, et de faire le lien avec un monde sonore, qui n'était pas évident au début. Enfin, pour moi. Donc, c'était une conquête. Oui, absolument, oui. Ça, c'est une forme de libido encore pour moi. C'est-à-dire libido du déchiffrement, c'est exactement ça. Déchiffrer des signes, ça va avec la lecture. Enfin, la lecture, c'est un moment intense de libido, parce qu'on découvre des signes, et puis ces signes disent quelque chose du monde, enfin, on peut les relier au monde. Et puis, on doit s'inventer un chemin dedans. Oui, c'est ça. De même que ces deux amants qui se tâtonnent sur les possibles de se toucher l'un l'autre, comment ça se passe. Enfin, en tout cas, ma première expérience, c'était ça. Est-ce que j'étais plus particulièrement tourné vers le graphisme, justement, les mots, et j'ai commencé la musique assez tard, oui. Et il n'y a pas de culture musicale autour de moi, beaucoup du tout même. Et donc, le premier objet, ça a été le dessin, enfin, la forme, l'image, et qu'est-ce que ça donne. Et après, de pouvoir posséder l'écriture, puis après, comme tout le monde. Enfin, au début, j'ai des sentiments très forts de ça. Donc effectivement, la partition, elle reste. C'est extraordinaire, ça. Le concert, il ne reste pas, le moment d'émotion, il ne reste pas, la représentation ne reste pas. Un grand succès à l'opéra, on aura beau nous expliquer qu'ils ont eu 65 minutes de rappel, ça n'existe plus. Voilà. Mais l'œuvre reste. Merci beaucoup, Denis Pascal. Merci, Hélène Guéraud. Merci. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur metaclassique.com ainsi que les numéros qui précèdent. See you.